frappe des mains. Si tu ressens l'amour, si tu ressens l'amour, si tu ressens l'amour, c'est ça. Tape des mains. Si tu ressens l'amour, si tu ressens l'amour, si tu ressens l'amour, yeah. Je vois les nuages se transformer. Crois à moi, ce soir, l'amour va se déchaîner. Ce sera d'abord tout discret, mais la pluie viendra et tu n'y échapperas jamais. C'est l'amour tout autour. Si tu oses y aller, fais un tour. C'est l'amour tout autour. Si tu oses y aller, fais un tour. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. L'amour se déchaîne. Si tu ressens l'amour, yeah, yeah, yeah.